Métissage Mix, 22h, 23h. Yeah. Métissage Mix, tous les samedis. Métissage Mix, 22h, 23h. Métissage Mix. Bonsoir et bienvenue dans les Métissage Mix. Ce soir, mix exclusif de Josh Wing, enregistré à Barcelone en avril dernier. Do you mean?

Métissage Mix. We'll be right back. 23h. Métissage Mix. Métissage Mix avec Josh Wink. Can't stop. Métissage Mix, Josh Wink. Work it out.

C'était Josh Wing dans les Métissages Mix. À bientôt pour de nouvelles aventures. Couleur 3. 23h.